M'appelle pas, je suis pas là. J'aimerais de la noche. Je vais brûler la salade. Y'a personne à côté. Flingue dans le caleçon. J'ai pas mes ablutions. Le bruit du moteur. Fais la conversation. Un peu plus près des étoiles. Je vois des ailes. Ne confonds pas sans de la veine. Et sans des règles. Tu adhères ou tu niques ta mère. Ce sont les règles. À 16 ans, je serai toujours le plus fort. Ce sont des faibles. Jaune, vert, violet, c'est fini jamais. Le genou sur la gorge, j'avais pas les mains. Pourquoi tu hausses le ton? T'as-tu oublié à qui tu parlais? Un écho de plus est un écho de trop. On veut la dolce vita. Ok, j'la mets à coup, pas ne me quitte pas. La dolce vita. Y'a toutes les couleurs dans le cortège. C'est pas pour autant un arc-en-ciel. Enlève tout, je m'en fous de leur dentelle. Balance ton misogyne à Angèle. Covid-19 est arrivé. Ce n'est plus que ma feuille et mon crayon. Je ne vois pas le bout du tunnel. J'en aperçois quelques rayons. L'humain est tellement généreux. Et à la fois tellement mauvais. J'espère que je les serai heureux. Deux secondes avant de crever. On ne pourra pas se libérer. Sans crâne humain sur le béret. Ce soir je ne vais pas très bien. Je mélange du vert et du doré. On va régler tout ça. On a connu tout ça. Je suis pas venu pour ça. Regarde, on est tous là. Jaune, vert, violet, c'est fini jamais. Le genou sur la gorge, j'avais pas les mots. Pourquoi tu hausses le ton? T'as-tu oublié à qui tu parlais? Un négro de plus est un négro de trop.